Quieto. Petite sœur, je te chéris, même si les années t'ont brisé. J'ai à peine plus de 100 ans et je ne sais rien de ta vie, de tes sentiments. Si tu me laisses libre, c'est pour mieux revenir. Meurs en scène comme un teneur, je saurais te résister, te glisser vers le haut, l'inachevé. Meurs en scène comme un teneur, au beau milieu de la reine, qui se soucie de ton sort, matador. C'est un soir sans fière allure où ma mémoire est transparente, le dos collé au mur. Toi mon double et toi mon frère, brûlons tout ce qui nous ressemble, renaît de tes cendres. Si tu me laisses lire, comme un teneur, je saurais te résister, te hisser vers le haut, l'inachevé. Meurs en scène comme un teneur, au beau milieu de la reine, qui se soucie de ton sort, matador, matador.